médias sont des médias de parti pris. Revendiquer la repolitisation de la question médiatique, ou refaire des médias à une question politique, c'est-à-dire ce qu'elle est. Évidemment, c'est un engagement, et c'est un engagement qui n'est pas simplement culturel. C'est un engagement qui a un sens politique tout à fait précis. Est-ce que t'entends ? On lutte pour une réappropriation démocratique des médias. Objectivité, non. Exactitude, oui. Mais les faits exacts sont toujours solidaires d'une interprétation. Sur Radio Thieu, 89.5. Bonjour à tous et à toutes, et bonjour aussi aux autres. Bien entendu, vous entrez dans Plus Fort, J'entends Rien, le mag d'Actu Tout Terrain, en direct le mercredi à midi, avec des rediffs à 19h et le jeudi à 8h. Aujourd'hui, au programme de cette émission, eh bien, un petit medley, comme on dit, de nouveautés musicales, les mois de février et mars, que j'ai pu recevoir par ici, à Radio Dio. Et une interview, une vingtaine d'un minutes d'interview autour de l'amicale laïque de Beaubrun, réalisée par l'équipe de La Machine à Découdre, envoyée spéciale sur place lors d'un enterrement. Pas si festif que ça, mais peut-être qu'il y a des choses qui renaissent de leurs cendres, parfois. Vous comprendrez mieux tout à l'heure. On commence en musique et on commence en local avec un nouveau projet qui sort en mars, ce mois de mars, donc sur le label We Are Unique Records, un label toulousain si je ne m'abuse, qui a quand même la très bonne idée d'accompagner de nombreux projets stéphanois. Je pense à Raymond Howard, à Saffronize, il me semble aussi à Angel, et toute une petite clip un peu pop de Saint-Étienne. Et bien là, c'est un nouveau duo avec deux personnes qui sont des piliers de la scène stéphanoise depuis de nombreuses années. Ça s'appelle The Mikes. Il y a deux Mikes. Il y a Michael Motet et Mika Puce. On mélange donc la pop de Michael que vous retrouvez dans le morceau caché sur le 895 de Dio, c'est le jeudi à 18h, et puis Mika de Lèche-moi et de tout un tas de projets, Chantal Morte, etc., tout aussi iconoclastes les uns que les autres. Ça donne, eh ben, pas du tout ce à quoi on s'attendait. Ça donne une chanson pop assez bancale, très fraîche, très variée, un très beau disque avec des textes en français, s'il vous plaît. Et oui, tout à fait, avec la voix de baryton de Mika qui prend une autre place que sur ses projets qu'il y a eu un peu dernièrement et qu'il a fait tourner dernièrement. Une rencontre donc qui pour moi a été une grande surprise, et vous en aurez bien entendu un aperçu plus développé, parce que dans quelques semaines, on fera une émission spéciale dans ce programme avec The Mikes autour de ce disque. Vous en saurez plus tout bientôt. Voici la quatrième plage de ce disque. Elle s'intitule Mon Prince. Thank you. special in your heart. I wanna be above flowers, I wanna be call names, I wanna be send messages, I wanna be thought of every day. I want the surprises, I wanna do dumb things, I wanna be sad, I wanna feel your absence, your future. I wanna dream again and think about going somewhere, hands in hands with you. That vacant by someone's absence need to be filled again and again by your own absence and silence, drowning my desire into beautiful waters flowing fire. I want no disguise and I want to feel numb inside. I want to be so mad, I want to feel the balance us together. I want to dream again and think about going somewhere day by day with you. À Tours à présent pour retrouver Krenoka. Krenoka, cette musicienne qu'on suit sur Dio depuis un petit moment et qui est ce petit don, je trouve, de faire des choses très très pop que avec d'autres musiques j'aurais peut-être pas forcément, peut-être un petit peu un plaisir, un petit peu honteux à écouter comme ça, mais avec toujours ces instrumentations hyper originales, un petit peu cassées, qui fissurent un petit peu cette pop. Qu'elle a le don quand même de mélodier avec pas mal de talent. C'est un album tout à fait à l'image de ça, un petit peu moins, elle avait quand même un côté un peu plus électro, hip-hop sur certains morceaux, là il y en a peut-être un petit peu moins, c'est quand même encore présent, hein. Des très belles instrus électroniques sur cet album qui s'appelle Eidolon et qui sort, me semble-t-il, toujours sur Figure Libre Records. On part maintenant au Canada pour écouter une découverte qui est encore publié par ce superbe label qu'est Glitter Beat Records. Il s'agit d'une chanteuse portugaise, elle s'appelle Ana Lua Cayano. L'album, alors là vraiment je m'excuse auprès de Jérôme et d'Espace Souvenir pour mon très très piètre accent portugais, Vou Ficar Neste Quadrado, fait un croisement entre les musiques traditionnelles et des matières assez acoustiques qui viendraient du Portugal avec une musique dansante, électronisée, des machines, quelque chose d'assez riche j'ai trouvé. On passe vraiment de plein d'ambiances et de sons assez différents mais qui s'imbriquent très très bien les uns avec les autres. Ana Lua Cayano tout de suite sur Radio Dio. Os meus sapatos não tocam nos teus, ei. O meu vestido pendurado está longe do teu fado, ei. Os meus cabelos com os teus já não se enrolam, ei. O meu rosto no espelho vê-se sozinho, ei. Mas há longe os teus passos, mas há longe os teus passos acompanham os meus pés, acompanham os meus pés. E há longe, e há longe, e há longe a tua fuga, e a fuga, e a fuga persegue o meu rosto, persegue. me cego, me cego, meu rosto. E há longe, ainda há longe, teu silêncio, ainda há longe, teu silêncio, corta o meu respirar. Radio-Dio, 89.5 FM. Thank you. À l'instant, c'était CC Temple sur le 8-9-5 de Dio. CC Temple avec un album en anglais. Pas beaucoup plus facile à dire que l'album portugais qui a précédé. Another Round of C120 of C120. Ça sort sur le label marseillais IoT Records. C'est sorti d'ailleurs fin février. Un album de plages méditatives et électroniques et qui sont assez à l'image de celle-ci. Beaucoup d'arpèges de synthétiseurs à écouter un petit peu pour chiller ses soies. Pas forcément dans une ambiance avec un sourire incroyable, mais une petite méditation nocturne comme ça, un peu psychédélique, qui peut accompagner de bien jolis moments tout de même. On va maintenant se diriger vers deux découvertes de rap français et qui, franchement, m'ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup accroché. Je vais commencer par Aga, A-G-A. C'est un rappeur du nord de la France qui est maintenant installé à Montreuil. Il a sorti, alors je sais pas exactement, janvier, février, je pense, cet album intitulé Indigo. Une très belle écriture, très précise, avec beaucoup de jeux sur les sonorités, allitérations, assonances et autres petites merveilles de plaisir quand c'est bien utilisé dans le hip-hop. Des textes qui ont le mérite de poser des choses de manière assez modeste, pas toujours très très gay, mais en tout cas j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Des instrus plutôt pas trop nerveuses, mais c'est pas chill non plus. Il y a un côté dans le flow qui est situé peut-être quelque part entre une tradition un peu spoken word slam et un peu de Kerry James très très très prononcé comme ça. Écoutez, le mieux c'est peut-être tout simplement d'écouter Aga. Je vous propose un troisième titre de ce Indigo, ça s'appelle Force du Nombre. Viens à Montreuil, je suis entouré de monstres. Pourtant si proche mais si loin de ce monde. J'ai rien dans les poches en ce moment et ça dure depuis quelques semaines. Enfin depuis quelques années. Je suis devenu pessimiste récemment, j'aurais pas dû, car depuis mon âme se meurt. Est-ce que j'écoute encore semence? Oui, mais me parle pas d'hier. Hier c'est caduc. On sera jugé à tort comme Camus ou Cabu. On prend ni soin de la terre, ni nos corps, on abuse. Y'a tellement de pollution que dehors ça pue. Donc j'allume de l'herbe, j'aime l'odeur qu'elle procure. Elle m'aide à rester au-dessus. Quand j'écris, je pioche dans ma tête comme si je jouais à Motus. Parfois je pense que je suis parfait, parfois je pense que je suis trop nul. La pensée, une éternelle torture. Je dors plus ou je dors trop. Je sais pas quelle pute m'a mordu. Je ressemble de plus en plus à mon père. Je suis comme une version diminuée de lui. On veut les rendre fiers, mais on travaille deux fois moins. Et pour les mêmes patrons, les générations se renouvellent. Demain, ils me paieront deux fois plus. Indépendant jusqu'à la plume. Demain, je fais l'actu, je fais la diff. Depuis que j'ai de l'acné, je fais pas confiance en l'acné. J'ai ni la clé, ni la carrure d'Héraclès. J'ai peut-être pas pris assez de raclés. Je suis resté vrai, j'ai pas trahi. Je respecte mes pères, je respecte Rakim. J'aimerais t'en voir Syracuse, boire un Cuba libre en Russie. Je fais du bon son mais je suis pas bon en recel. C'est si facile de m'accuser. On n'a pas les mêmes destins, on prend pas les mêmes risques. On voit pas les mêmes choses et on s'assoit pas aux mêmes tables. Je veux bien avoir des problèmes de riches pour voir si c'est dur. Chaque nuit je rêve qu'on les destitue. La finance se détritue. Si t'es érudit ça peut être utile. Pendez les cupides, faites ça sans pitié. Ils nous tirent dessus et nous on ripose jamais ou trop peu. C'est le peuple qui a raison, toujours. Ils le savent, ils ont peur. La force du nombre face aux menteurs. Ils assumeront tous leurs mots, j'en oublierai aucun. C'est l'heure. On enchaîne avec Drash maintenant. Alors ça vient du Mans, c'est vrai que c'est pas forcément la ville dont on connaît énormément de choses, même si sur la scène DIY il y a une petite clique un petit peu de rock indé un peu mat, notamment Monocle ou Liamame La Muerte qui a fait parler d'elle, et un rappeur qui a joué pas mal de fois à Saint-Etienne dans les soirées Universal et Underground Hip-Hop, j'ai nommé Monsieur Sai. Et bien là c'est un nouveau projet que je viens de découvrir, ça s'appelle Drache, comme la pluie, D-R-A-C-H-E. L'album s'intitule « En attendant la fin du développement » et c'est un concept album, tout simplement, sur ce qu'on pourrait appeler les rapports nord-sud, même si les choses ont changé depuis cette appellation et la fin de la dénomination tiers-monde qui a un peu disparu de la surface de la Terre, même si bien entendu les relations entre l'Occident et les pays dits en voie de développement restent maintenues, malheureusement, bien malheureusement. Pas mal de morceaux donc qui décortiquent à plein d'endroits, les relations économiques, les relations d'aide humanitaire et tout ce qui se joue entre ces différents pays. Une espèce de livre politique sur cette thématique, mais avec des instrus électro qui envoient, avec des touches de jazz, avec un flow assez millimétré. Je vous propose tout de suite le morceau Aider, deuxième plage de ce disque de Drash sur le 895 de Dio. Ceux qui s'emballaient, combien puis-je ? Champ de vision lunaire, prisonnier dans la nasse solidaire, brutal, épithète subtile pour nommer l'ingérence et son style. Comme tout le monde, je caresse mes luttes du bout de mes évidences. Tant un équilibre entre audace et distance en gardant l'œil sur la glace qui reflète aussi la violence de ma présence ici. Le sol a bougé depuis les années 60, mais la lumière au bout du tunnel est vacante. Et le choc produit par la secousse a réveillé des forces qui charbonnent en douce. Jeune Léviathan, la perfusion ne surfuse pas. Sois docile, obtempère, épouffe ton repas. Sors la peau fiscale et prends ta place dans le monde post-colonial. Les rapports de pouvoir observent l'histoire avec un sourire discret. Justement structuré. Les rapports de pouvoir observent l'histoire avec un sourire discret. Les rapports de pouvoir observent l'histoire avec un sourire discret. Processus amorcé, de l'esclavage à la liberté forcée. S'accaparer les économies, enterrer l'autonomie, faire tomber l'État dans l'anémie. 94, où elle avait prévu les caméras, mais pas celle de l'ONU braquée sur Sankara. Marcher dans les rues de Djouba, voir un Léviathan plongé dans le coma. Providence en pause, état plein d'échymose, barrage de métastase, cancer du bise. J'observe au loin les pipelines sous les nuages. J'observe au loin les pipelines sous les nuages. J'observe au loin les pipelines qui dansent et narguent en cœur l'indépendance. J'observe au loin les pipelines sous les nuages. J'observe au loin les pipelines sous les nuages. J'observe au loin les pipelines qui dansent et narguent en cœur l'indépendance. Le soleil brille sur les terrasses de Tantale. Une belle journée pour travailler le mental. Et merci pour votre aide de l'autre côté. Oubliez pas d'acheter des pailles en bambou pour lutter. Les crayons que t'envoies en Guinée, c'est de la gomina. Ça montre uniquement qui c'est le dominant. À trop prendre des gens pour des indigents, on finit pigeonné par les brouteurs d'Abidjan. Je lâche dans les nymphes, patoche dans la mélasse, atome invisible au cœur de la nasse. Pose les bonnes bases, pose les bonnes phrases, échanger les mots, c'est changer les choses. Alors bon, je relis le discours de Dakar. Pour la honte, y'a pas d'heure, c'est toujours trop tard. L'histoire colle au présent, y'a pas de version bêta. J'ai honte de mon état. J'observe au loin les pipelines sous les nuages. J'observe au loin les pipelines sous les nuages. J'observe au loin les pipelines qui dansent et nardent au cœur l'indépendance. J'observe au loin les pipelines sous les nuages. J'observe au loin les pipelines sous les nuages. J'observe au loin les pipelines qui dansent et nardent au cœur l'indépendance. Et laissez dominer, ceux qui s'emballaient, combien piger. Et laissez dominer, ceux qui s'emballaient, combien piger. Et laissez dominer, ceux qui s'emballaient, combien piger. Et laissez dominer, laisser dominer ceux qui s'emballaient, combien pigé. Drache à l'instant sur le 8-9-5 de Dio. Si vous avez kiffé, eh bien je lance un petit appel à toute la raya stéphanoise qui aime organiser des choses dans notre belle ville. Drache cherche des concerts, et notamment cherche des concerts à Saint-Étienne. On n'est pas une ville facile pour les gens qui ne connaissent pas la manière d'aller dans des petits lieux cachés avec des organisations pas toujours très très claires. Si donc vous avez aimé ce morceau, n'hésitez pas à aller écouter cet album en attendant la fin du développement. Et si vous voulez le faire jouer, n'hésitez pas à contacter Radio Duo, je vous mettrai en contact. Ils avaient l'air d'être plutôt bon esprit, c'est un duo et ils ont l'air de pas trop se prendre la tête. Vie sauvage, impénant, Radio Duo. Radio Duo, 89.5 FM. Et maintenant, Radio Duo part en reportage. Reportage et interview réalisé il y a quelques jours, quelques semaines par l'équipe de La Machine à Découdre, l'émission de détricotage d'actualité locale qui officie le deuxième dimanche du mois dans les mensuels crépuscules, c'est-à-dire les mensuels de 19h. Je vous rappelle, dans ce créneau, hein, il y a aussi Cœur Noir Tripanium, l'émission de la CNT et d'Elite. Et ah bah oui, et puis c'est tout parce que finalement les autres ont arrêté. Et gaming et politique, l'analyse du monde des jeux vidéo sous des angles extrêmement inquisiteurs. Donc reportage cette fois à l'Amicale Laïque de Beaubrun. Peut-être en avez-vous entendu parler, c'est une triste nouvelle de ce début de l'année, l'annonce de la fin d'activité de l'Amicale Laïque de Beaubrun pour des raisons de très grandes difficultés financières. Un enterrement tout simplement a eu lieu il y a quelques temps. C'est à cette occasion que l'équipe de La Machine à Découdre est allée rencontrer les personnes qui officient à l'Amicale Beaubrun, salariés et bénévoles de cette association. On va donc revenir pendant 20 minutes sur les conditions de travail, les conditions de financement, de toute la précarité associative, la manière dont le nombre de missions à remplir est toujours de plus en plus grand, la manière dont les moyens diminuent toujours de plus en plus. Il est à noter qu'il y a un rendez-vous ce mercredi 6 mars. Alors, je ne sais plus exactement, il me semble que c'est à 18h30, mais peut-être est-ce à 18h, je ne voudrais pas vous induire en erreur. Un rendez-vous à l'Amicale pour essayer de réfléchir à une potentielle suite, une potentielle reprise de l'association, un enterrement qui pourrait devenir une renaissance. Donc n'hésitez pas à vous rencarder ou aller entre 18 et 18h30 à l'Amicale Beaubrun. Si vous voulez mieux comprendre les tenants et aboutissants, eh bien voici tout de suite une petite place de 20 minutes pour La Machine à Découdre sur le 895 de Dio. La Machine à Découdre. Un point de vue décousu. On est ici à l'Amicale de Beaubrun aujourd'hui pour une cérémonie d'enterrement de l'Amicale puisque l'association va être dissoute le 4 avril. Le 4 mars. Est-ce que déjà vous pouvez vous présenter une à une, expliquer c'est quoi votre rôle dans l'Amicale? Moi je m'appelle Jamila et je suis administratrice, c'est-à-dire que je suis membre du CA, du conseil d'administration de l'Amicale Laïque de Beaubrun, depuis 2019. Alors moi c'est Eva du coup et je suis responsable de l'accueil collectif de mineurs et je travaille ici depuis un an et demi. Moi c'est Zora, je suis coordinatrice du lieu d'accueil Enfants Parents La Petite Ruche. Est-ce qu'on peut revenir sur la chronologie de ce qu'a mené à la fermeture? Alors pour dire moi ce que j'en connais, je suis là depuis 2019. Donc nous le CA qui s'était reconstitué un petit peu avant la crise du Covid est un CA neuf avec deux anciennes, enfin deux personnes qui avaient vécu la vie de l'amicale les quelques années qui ont précédé. On a récupéré une amicale en très mauvaise santé qui avait un gros déficit de moins 70 ou moins 75 000 euros. Et tout notre boulot a été d'essayer de remonter ce lieu, les finances, et d'assainir la situation de l'amicale à tous les niveaux. Une structure comme celle-ci, en fait, on voit si elle est en bonne santé, si les habitants, on dit citoyens, je préfère dire habitants, mais les personnes qui peuvent bénéficier de ces services, mais aussi participer à sa vie locale, sa vie collective, eh bien, il faut redonner confiance. Et en fait, cette confiance avait été perdue à cause d'un certain nombre de malversations dues à une gestion qui était, mafieuse. Donc, il y a eu, administrateurs qui venions pour vivre et faire vivre une structure, on s'est retrouvés en fait à avoir des problèmes de gestion de ressources humaines, etc., jusque sous les oreilles, quoi. C'était pas très récréatif que d'être administrateur à l'amicale. Ça l'est devenu parce que on a des belles personnes qui travaillent ici. Que c'est vrai. Merci Jeff. Oui. Et qu'il y a eu un rapport de confiance qui a été construit. Donc en fait, petit à petit, de moins 75 000 euros, on est monté à moins 40 000, moins 30 000, moins 10 000. Mais voilà, on a fait des choix politiques, des choix humains, des choix de gestion, de pérenniser les équipes salariées, parce que je ne sais pas si vous savez, les structures, beaucoup de structures vivent avec des contrats très précaires. Et on a fait le choix l'année dernière, il y a deux ans, de faire signer des CDI à tous les personnels pour qu'ils soient en confiance, en sécurité, pour qu'ils puissent investir leur boulot en toute sérénité. Voilà. Mais c'est des choix qui coûtent. Et en face, puisqu'une structure comme ça ne peut pas vivre sans subvention, nos financeurs, la mairie, le département, l'État, ont sûrement pas compris en fait les vrais besoins que nous avions en tant que structure, que le territoire avait besoin. Ils n'ont pas compris ces besoins-là et le rôle qu'ils pouvaient jouer. On nous a promis au mois de mars dernier, je dis « on », c'est la mairie, hein, 30 000 euros qui étaient promis verbalement. Et quand même, quand on est élu et qu'on promet devant témoins des sous, on tient sa parole. Cette parole n'a pas été tenue. Puis la vie augmente, les subventions baissent. Vous lancez des projets, vous faites des réponses à des appels d'offres. Et le temps que ces documents arrivent aux financeurs et le temps d'avoir les réponses, il faut continuer de vivre en pariant sur le fait qu'on peut obtenir des subventions. Il y a eu tout un lot de causes qui se sont accumulées, mais quand la mairie dit qu'ils n'ont été avertis qu'au mois de décembre, ils mentent. En fait, on est en contact avec les élus et les financeurs régulièrement, de façon permanente. On fait des assemblées générales, on envoie les bilans annuels, il y a des rencontres régulières. Les alertes avaient été données, bien avant. Déjà au mois de septembre, on a réuni. Nous, c'est au mois de septembre qu'on s'est rendu compte que là, ça commence à devenir grave. Et il y a eu des réunions régulières avec les techniciens de la mairie. Et les techniciens et les élus. Donc, des chiffres qui ont été posés, on ne peut pas dire qu'on n'avait pas alerté. Il y a eu tout un cheminement où le CA, et où on a essayé de voir comment on pouvait s'en sortir, comment on pouvait faire des économies par là. On a pensé à ne plus travailler avec une directrice qui faisait du boulot, mais le salaire d'un directeur ou d'une directrice, c'est conséquent dans un budget. Qu'est-ce qu'on supprime dans nos activités? Qu'est-ce qui nous coûte en fait? Parce qu'il y a des activités pour lesquelles on devrait être subventionné, mais qui finalement nous coûtent. C'était le cas pour le périscolaire quand on a repris l'amicale. Le service qu'on donne pour emmener des enfants, les sortir de l'école, les emmener, etc., s'en occuper pendant une heure ou deux heures, eh bien, entre le service qu'on rend, le coût en termes de salaire d'animateur et les sous qui rentrent, ben, ça ne marche pas. Et ça, 2019, 2020, 2021, on n'a pas arrêté de montrer que c'était plus possible. Alors en soi, le périscolaire fonctionne normalement sur le matin et le soir et on dessert 8 écoles sur le quartier. Suite à une demande municipale à la rentrée 2023-2024 en septembre, on nous a demandé que le périscolaire du matin soit effectué uniquement pour les écoles ayant 5 enfants par jour fréquentant le périscolaire. Ce qui fait que du coup, sur les 8 écoles, on en faisait plus que 2 le matin. Et le soir, on a continué du coup sur les 8 écoles, mais on a constaté une baisse en fait, parce que du coup, le fait qu'il n'y ait plus de périscolaire le matin pour un grand nombre d'écoles, ça fait que les parents ont dû se réorganiser et du coup, ne plus compter sur nous, donc ne plus compter sur nous le matin, ne plus compter sur nous le soir au final. Mais après, moi, en tant que responsable du service, je rendais des comptes, donc effectivement, j'envoie mes statistiques par période à la municipalité, donc il y a un visu sur les chutes. Je transmets mes tableaux, que ce soit à Laurence en direction ou au CA, à chaque fois on communiquait bien en disant attention, là ça commence à battre de l'aile, il faut peut-être se poser des questions, signaler à la mairie qu'il faut mettre des choses en place. Parce que nous, on était totalement contre cette fermeture au périscolaire du matin. On s'est rassemblé toute l'équipe de salariés et le CA sur une réunion un soir où on nous a annoncé la décision de cesser toutes les activités. Donc c'était pas uniquement le périscolaire, c'était de se dire bah voilà, on n'est plus capable de fonctionner et plutôt que de sélectionner 3 personnes ou 4 qui survivront. On arrête tout. Okay. C'est aussi cette notion de solidarité qu'on a toujours eue entre nous, c'est de travailler tous ensemble et de vivre les choses ensemble jusqu'au bout. Le problème, c'est que supprimer des postes, pour nous, sur le fonctionnement qu'on a, c'est pas possible. C'est pas possible sur un périscolaire, on a... Quand il faut un animateur devant un groupe d'enfants, il le faut. On a 5 animateurs pour desservir 8 écoles. C'est déjà ultra précaire. Comment vous voulez supprimer des postes? C'est impossible. C'est impossible. Chaque personne est importante sur le fonctionnement de l'amicale laïque. On a une secrétaire, c'est pas pour rien non plus. C'est parce qu'on a besoin d'une personne pour accueillir les familles. Et répondre au téléphone. C'est ça. Et elle centralise les informations sur les 3 secteurs d'activité. On a une directrice parce que du coup, c'était quand même une grosse structure, l'amicale laïque de Beaubrun. Donc il y avait énormément de dossiers à déposer, Et coordination d'équipe aussi, et qui ne relevait pas nos compétences à nous. Donc on ne pouvait pas faire non plus le travail de Laurence. Et après, de la même manière que légalement, un centre de loisirs, ça ne peut pas fonctionner sans directrice, donc on ne peut pas supprimer mon poste. Et de la même manière que moi, mes 5 animateurs pour 8 écoles, déjà, c'est super technique, donc on ne peut supprimer personne. Le LAEP, c'est pareil. Une accueillante ne peut pas être toute seule d'un point de vue légal. Légalement, c'est pas possible. Alors nous, du coup, c'est un lieu où on accueille les familles à venir partager un temps de jeu avec les enfants, donc les parents, les grands-parents, les tantes, toute personne qui a un lien avec l'enfant. Donc le LAEP, c'est accueillir ces familles, partager un temps de jeu, partager entre les parents des problématiques qu'elles ont entre elles. Enfin, voilà, elles discutent, elles partagent. C'est complètement anonyme. C'est des lieux qui sont anonymes, confidentiels. Elles viennent pour partager un temps, en fait, mais vraiment avec leur enfant, entre les parents. Et c'est un lieu qui est convivial, c'est un lieu qui est sécure pour l'enfant. C'est un lieu qui va préparer à l'école, la première scolarisation, des rentrées en collectivité, les premières séparations avec les parents. Et nous, on est là pour gérer le lieu, pour accompagner ces familles. Et on dit qu'on fait de l'accompagnement à la parentalité. C'est un lieu qui fonctionne bien, qui est bien vu sur le quartier. On sait qu'il y a des besoins. On travaille avec les partenaires, on travaille avec les écoles, le CHRS. C'est ces parents-là qui viennent et qui nous font confiance. Et qu'on est repéré. Et ça va continuer, du coup ? Et ça, justement, jusqu'à hier, on pensait que ça allait continuer. Et puis finalement, on nous a dit que non. Les structures qui veulent reprendre le lab doivent refaire un projet. Mais ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre un an. S'il y a une fermeture de plus de 6 mois, alors déjà, je me disais 3 mois, déjà, c'est on va perdre nos familles. Et puis, on les renvoie sur d'autres labs. Mais dans Tess-Beaubrun, les gens ne sont pas véhiculés. Et puis ils ont des grands à récupérer à l'école. Et puis, ah oui, on casse une dynamique. On casse une dynamique qu'on avait réussi à instaurer avec les collègues. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Une confiance. C'est ça. Il faut pas oublier de dire que c'est des familles qui potentiellement ne sortent pas, qui n'ont que nous comme visage humain et à peu près sympathique dans leur vie. Pour extérioriser toutes les problématiques qu'ils peuvent rencontrer dans des vies de famille monoparentales ou primo-arrivantes, voire primo-arrivantes monoparentales. Donc c'est les personnes qu'on accueille, c'est pas Monsieur Dupont, c'est pas Monsieur Tout-le-Monde, c'est vraiment des personnes qui avaient besoin de nous et qui ont instauré ce lien de confiance et qui, pour la plupart, n'ont pas de papier. On avait aussi, nous, un rôle d'orientation parce que, alors, nous, en tant qu'accueillantes, on n'est pas dans le conseil ni dans le jugement. Quand une maman a une difficulté, on les oriente en disant il y a tel professionnel, il y a tel, on renvoie sur de l'accès au droit, on renvoie sur telle structure. Il y avait tout ça mis en place et cette relation de confiance, et ben, faisait que ça fonctionne. Quoi. On sait, c'est dit, c'est écrit partout que c'est le quartier le plus pauvre de Saint-Étienne, mais c'est aussi un quartier qui est repéré comme étant, il y a des populations relativement instables parce que quand les réfugiés, exilés, demandeurs d'asile ou autres arrivent, une grosse partie arrive dans ce quartier-là. Une bonne partie des gens arrivent là et qui sont ensuite, quand les situations se stabilisent, quand on trouve des solutions, des logements, des boulots, des structures d'accueil, et il y a une certaine mobilité. Mais une partie de la population qui déboule à Saint-Étienne suite à de grosses difficultés, c'est souvent dans ce quartier qu'ils arrivent. Pour exemple simple, sur le centre de loisirs, on a énormément de familles avec des enfants en situation de handicap ou avec des troubles de comportement, voire même des troubles autistiques. Mais ce sont des enfants qui ne sont pas repérés, qui ne sont pas accompagnés parce que les familles n'en ont pas la possibilité, voire potentiellement pas le temps, pas la connaissance, parce qu'ils viennent de pays où c'est des maladies qui ne sont pas existantes dans l'imaginaire des gens. Et qui du coup se retrouvent en difficulté avec les écoles où tous les jours on leur dit oui, aujourd'hui ça s'est mal passé. Et le seul endroit où leur enfant retrouve un peu de sérénité, c'est le centre de loisirs parce que nous on met tout en place pour que ces enfants se sentent bien. Nous, en tant qu'administrateurs, on fait des choix politiques. C'est politique la posture d'un administrateur. On choisit la politique de la structure, on choisit ses orientations. Voilà, c'est politique de toute façon. Mais il y a aussi les choix politiques des financeurs. Donc il y a la CAF, il y a le conseil d'État et la mairie. Mais la mairie est notre principal interlocuteur. Et là, la politique stéphanoise actuelle n'est pas en faveur de l'éducation populaire, clairement pas. Enfin, ça a même été assumé. Ni du secteur associatif. C'est des discours qui ont été tenus en début de mandat. Je crois que toutes les associations peuvent être d'accord avec ça. En témoigner. Peut-être ce qui arrive à la Mécale de Beauvoin va arriver à toutes les assos potentiellement. Mmh. Eh bien oui, il faut que toutes les assos soient bien. Mais un dysfonctionnement à un endroit. Notre situation est actuellement utilisée comme menace par certains financeurs en tant qu'interlocuteur avec les autres associations de manière très officieuse, mais on a entendu des discours en mode bah non, mais si vous faites pas ça, vous allez finir comme Beaubrun. On a eu la visite de plein de collègues des structures voisines, donc notamment le Babeg qui est du coup l'autre centre de loisirs qui fonctionne sur le quartier, avec qui on n'est pas du tout en concurrence. Oui, au contraire, on est en collaboration. Il y a eu une étude de territoire qui a été faite pour un diagnostic pour voir comment les deux structures pouvaient fonctionner ensemble sans empiéter l'une sur l'autre. Donc c'est pour vous dire vraiment, c'est pas une idée de concurrence ou de fusion ou pas du tout. Et après, il y a toutes les autres associations du quartier, pour en citer que quelques-unes, mais notamment la Bricoleuse et la Brouette, avec qui on a énormément travaillé, et qui... même la médiathèque... c'est tous des acteurs du territoire qui sont attristés de la situation. L'associatif, aujourd'hui, c'est de la politique. Et que si on se mouille trop politiquement, qu'on va pas dans le sens de la politique municipale, on perd des subventions. On est des dissidents et on... Et du coup, comme on va pas dans leur sens, en soi, on mérite pas certaines subventions, donc du coup... Et c'est le problème de toutes les associations aujourd'hui, c'est pour ça que tout le monde reste très discret, parce qu'en soi, ils sont conscients que en fonction des idées politiques qui peuvent être portées... ça peut être à leur désavantage, mais de la même manière qu'en tant que salarié. Moi, personnellement, j'ai fait le choix de ne pas me positionner sur toutes les actions qui ont pu être menées par les partenaires ou les familles, parce qu'on est conscient que ça peut impacter aussi sur notre carrière future. On choisit le gros prestige pour vendre l'image de Saint-Étienne qui n'est pas l'image. La cité du design, ce n'est pas un miroir de la ville de Saint-Étienne. Saint-Étienne n'est pas à la cité du design. C'est pas la réalité. La ville de Saint-Étienne, elle n'est pas à la cité du design. Non, clairement pas. En fait, les salariés, là, deviennent quoi? Les locaux deviennent quoi? On a parlé un peu des activités qui, du coup, ferment. Mais même là, les situations humaines, les locaux qui appartiennent à la ville. Il y a beaucoup de choses qui sont entre les mains du liquidateur judiciaire. Pour le moment, on est dans le nuage de l'administratif, dépôt de bilan, quoi. Donc, on ne sait pas. Mais bon, et c'est quand même qu'on est déjà licencié, nous, en tant que salarié. Mais on ne sait pas quand. D'accord. Et vous ne savez pas sous quelles conditions? Par exemple, est-ce que vous allez partir avec de l'argent, pas d'argent? On nous a un peu expliqué nos droits. Enfin, on s'est un peu dépatouillé par nous-mêmes pour rencontrer des interlocuteurs avec Pôle emploi ou des conseillers juridiques chez syndicaux pour nous expliquer un peu à quoi on avait accès, parce que du coup, en tant que bon français bien classique, on ne connaît pas toute la législation française ni tous nos droits. Personne ne connaît tous les droits. Donc on essaye de se renseigner un petit peu. Après, pour dire ce qui va devenir des locaux, en soi, ce n'est pas entre nos mains, c'est entre les mains de la mairie, puisque ce sont des locaux municipaux. Mais nous, on n'a aucune information qui filtre là-dessus. Et après, pour ce qui est des salariés, en soi, on va tous être licenciés économiques, mais on ne sait pas quand. Et je pense que c'est ça le plus dur. A priori, l'amicale est en capacité de payer les salaires jusqu'à fin février. Point. Ok. Donc oui. Voilà. Je reviens à la question tout à l'heure. Je réponds à ta question. Pourquoi c'est maintenant? Voilà. Parce que, au vu des calculs, tableau Excel, on pouvait payer les salaires que jusqu'à fin février. Alors nous, en tant que CA, la dernière fois qu'on s'est vu, on s'est dit qu'il serait... On ne sait pas, en fait, c'est des idées qu'on envoie comme ça, qui sont encore aussi dans le nuage, au-dessus de nos têtes. C'est d'essayer de faire en sorte que ce lieu continue de vivre, soit repris en main par des habitants, des collectifs, des associations. Ça s'appellera plus Amicale Laïque de Beaubrun, puisque Amicale Laïque de Beaubrun aura déposé le bilan, mais qu'éventuellement, il y a des propositions j'appelle ça des collectifs, des gens qui ont envie de proposer des cours de yoga, des résidences d'artistes, des ateliers d'écriture, ce qu'on veut, des lieux pour venir chanter, pour venir faire une fête ou autre. Enfin, l'idée, c'est qu'on a envie de proposer que quelque chose se remette à vivre dans ce quartier, et si possible en utilisant ces locaux qui ont été quand même remis en état récemment, hein, et qui sont vivants, qui ont encore toute leur âme, qui vibrent. Si on ferme, c'est une catastrophe. C'est comme quand on ferme un lap, on perd les familles. Ben là, il y a quelque chose qui va se casser. Donc voilà. Et c'est de ça qu'on parle avec tous nos partenaires associatifs. Et merci pour toutes les idées qui pourront nous arriver. Le couac. Un canard déplumé. On vous renvoie donc bien sûr au couac, le canard déplumé que l'on trouve un petit peu partout en ville et à la machine à découdre chaque deuxième dimanche du mois à 19h. Merci à toute cette team pour cette belle interview qui a franchement le mérite de faire un point assez clair aussi sur les conditions de travail associatif en France, de plus en plus difficiles, et à Saint-Étienne avec effectivement des baisses d'aides publiques et municipales qui sont accentués, généralisés sur toutes les structures. On vous renvoie bien sûr au collectif des associations en danger, mais qui va aussi même sur la gestion des écoles municipales. Vous en avez entendu parler sur cette antenne avec plusieurs grèves et mouvements lancés sur la ville. Et le mérite est effectivement de cette parole-là qui émerge, qui est, comme c'était stipulé dans le reportage, pas toujours évident à porter de manière publique. Il faut finalement mourir pour pouvoir oser dire. C'est un petit peu ce qu'on retient de cette interview. Je vous rappelle alors ce rendez-vous un peu flou, 18h-18h30 ce mercredi 6 mars pour une suite éventuelle à donner au projet dans les locaux de l'Amicale Laïque de Beaubrun. Musique, info, idée, c'est Radio Dio. Idée, c'est Radio Dio. Radio Dio. Et on va finir en musique ces quelques dernières minutes et surtout en annonces et en cadeaux, puisque c'est avec un grand plaisir que Radio Dio sera en direct du fil ce samedi 9 mars. De 21h à 22h, on sera en direct, en public, à l'ouverture de la soirée qui s'intitule « Le Bouillon, volume 1 ». C'est concocté par Le Fil et par l'association Vert Boucan. Il y aura de la nourriture sur place, du warm-up et un panel de belles propositions musicales qui se succéderont de 21h à 3h du matin. En l'occurrence, des mix, Greg, Manor, des mix qui seraient plutôt... un petit peu dans une veine de dance floor à travers le monde, je dirais. Le Vert Boucan Sound System qui officiera à droite, à gauche, dans un fil intégralement utilisé pour l'occasion. Et la venue, je suis très content, de Auntie Razor. Auntie Razor qui est une rappeuse de Lagos au Nigeria qui a sorti un disque sur l'excellent label dont je vous parle tout le temps, Niégué Niégué, qui nous permet un petit peu de découvrir tous les projets électro-hip-hop de l'Afrique de l'Est principalement. Auntie Razor, pour un petit avant-goût, je vais vous proposer son morceau qui s'appelle La Nina et vous proposer aussi d'appeler au 04 77 438 895, 77 438 895 si vous voulez des places pour cette soirée. Il nous reste deux places au compteur pour cette soirée Vert Boucan. Et je vous rappelle, on sera en direct de 21 à 22 sur le 895 d'audio, en streaming et au fil. Du lourd sur la scène du fil pour cette soirée Vert Boucan Le Fil avec Radio Dio ce samedi 9 mars. Je vais finir comme de coutume ce magazine par les coups de cœur de la Ferrarock et les deux nouveautés de la semaine que vous retrouverez bien entendu en interview dans Dig Dig Diggers vendredi à midi puis à 19h et lundi à 8h du mat. Au programme, eh bien, il y a un très bon disque d'un groupe que j'apprécie particulièrement qui a fait des morceaux que vous entendez sur Dio qui sont un peu des tubes de Dio. Il s'agit de Gwendoline, c'est un duo, me semble-t-il, venu de Brest, des Bretons à nouveau, avec une musique qui va quelque part entre la wave et le rock, et des textes mi-désabusé, mi-politisé, mi-quelque chose d'autre sans doute, un ton et un spoken word bien propre, une très belle plume, assez franche, assez crue. Je vous propose tout de suite le troisième morceau de ce disque sorti chez Born Bad Records qui s'intitule « C'est à moi » et on enchaînera avec le deuxième morceau, le deuxième coup de cœur de la Ferra, pardon. Il s'agit de « Big Idea ». 8, 9, 5, duo. C'était Gwendoline à l'instant sur le 895 et le deuxième coup de cœur Ferrarock. C'est un groupe qui s'appelle The Big Heidi qui à l'origine vient de La Rochelle mais a émigré en Île-de-France depuis quelques années. Un groupe qui a sorti son premier album en 2017, qui a déjà été des coups de cœur Ferra, il me semble, auparavant en tout cas, un groupe aussi qui... comme événement un peu marquant, enregistré en plein Covid en 2020, un album entier sur un voilier en pleine transatlantique alors que le monde était à l'arrêt et qui sort eh bien, un nouvel album, ça s'intitule Tales of Cremacy, ça sort chez Room Records, c'est sorti même le 2 février dernier. Plus d'infos en interview dans Dig Dig Diggers, bien entendu, on se quitte là-dessus. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur studio ou ailleurs. Et puis, bien entendu, prenez soin de vous et de vos autres. Ciao. If you go to the port, you'll find furnishings, and it's a long way home. You've got to go to the land, and you need so you choose a captain, and you take his pupil. You need someone strong, yes you need someone strong. Sir Gideon will do well, and all four friends will get along. They don't know but they'll need a guy. But they'll need a guide. Now you sail away and go to meet the sea, and it's a long way home. So now you're on the waves of the big blue ocean, but your eyes spot a tempest rushing in your direction. A shark then says you need to be strong, yes you need to be strong. Follow me through the waves, I'll guide you to the dark land. Fantastic, now they have a guide.